Le destin d'un alpiniste autrichien, bouleversé par une rencontre presque mystique au cœur de l'Himalaya. Vous l'avez compris, cette semaine, nous avons visionné le chef-d'œuvre du grand, j'ose dire de l'immense Jean-Jacques Haneau, et nous allons en parler ce soir ensemble. Bienvenue dans votre rendez-vous 7e art, votre rendez-vous cinéma hebdomadaire, consacré cette semaine, vous l'aurez compris, à 7 ans au Tibet de Jean-Jacques Haneau. Ce soir, 2 heures de perdu revient sur ce film où la recherche du soi, les sommets tibétains enneigés ou la méiotique spirituelle et humaine sont les acteurs principaux de ce chef-d'œuvre aux mille paysages glaciaux et magnifiques. Derrière ces somptueux plans montagneux se cache une histoire complexe et engagée, au savoureux parfum aigre-doux d'une lutte à la fois contre soi-même et contre la Chine. Nous reviendrons en détail sur les nombreux procédés de mise en scène que le réalisateur met en place afin de modifier la perception du spectateur. Quelles sont les techniques qui font que ce film, qui ne dure que 2h16, soit ressenti par le spectateur comme un véritable voyage long de 7 ans. À mes côtés pour en parler, avec moi ce soir, une bande de joyeux de riz, spécialiste du milieu cinéma. J'ai nommé Barbara Grutenbach. Bonsoir. Bonsoir. Grégory Humecto. Bonsoir. Et enfin Michael Robespierre. Bonsoir, je suis bouleversé. Bonsoir à tous. Film aussi bouleversant que pictural. Mais avant tout, je vous propose de nous rafraîchir la mémoire avec les 37 minutes de bande-annonce. Jean-Jacques Haneau, Brad Pitt, 7 years in Tibet. Voilà. Donc on explique un peu pourquoi on fait ce film en fait déjà là, parce que. Qui a proposé ce film? Alors c'est Bowie. Il faut qu'il se manifeste. Hein. Alors déjà, moi je propose de lui couper sa collection internet. Bravo, on le retient. Alors, merci. Alors, je suis content avec la bande-annonce, on n'a pas besoin de résumer l'histoire. C'est le film le plus lent du monde. Alors, c'est-à-dire que moi, j'ai fini de le regarder, j'avais 2 enfants. D'ailleurs, faut que j'aille les chercher à l'école. Ouais, mais moi, je vais chercher le petit au judo aussi. Ouais. Ouais, ah, moi, putain. Ça a été, Ouais, tu l'as maté à quelle vitesse, toi? Non, mais 1,5, mais. Non, mais Greg trouve que c'est un film sur les valeurs universelles. Non, mais en tout cas, c'est pas. En tout cas, c'est pas. C'est vrai. Mais en tout cas, c'est pas un film 2 heures de perdu. Le mec, il s'est dit. C'est un film 7 ans de perdu. Et le mec, il nous a planté là-dessus. Et on le remercie pas, le Bouygues, hein. On le remercie pas. D'ailleurs, on sait même pas ce qu'on va dire pendant 40 minutes. Non, mais attends. Mais oui, il y a plein de trucs. Moi, je. Il y a des choses qui m'ont un petit peu énervé dans ce film. Ah, tu l'as vu en VF, je suis content. Oui. Moi aussi. Et d'ailleurs, j'ai emprunté la bibliothèque, du coup, et j'ai trouvé ça très bizarre, sa coiffure à Brad Pitt avec sa petite toupette et son petit chien blanc. Puis le truc de l'abominable homme des neiges à la fin, je trouvais ça un peu gros. Mais alors, là, moi, il y a le... Enfin, avant même de parler du film, ça va, Mickaël, on te fait pas chier. Reprends des frites. Tu vois ton soda qui est vide en bouche. Ça te dérange pas si je mange des huîtres? Bon, alors, on le répète juste parce que il a pas été dit dans cette bande-annonce. Enfin, dans ce début de podcast. Donc, c'est de Jean-Jacques Hano. Ça dure 2h16. C'est ressenti comme 7h. Il y a Brad Pitt et des Tibétains. Ouais. Il y a un autre, Et si, mais si chiant, qui raconte l'histoire? Bah, c'est facile, c'est un mec qui loupe ses vacances, quoi. C'est un mec qui part en rando avec ses potes, nazis. Ah non, je comprends. Ah, ça ressemble pas, à part qu'il reste 7 ans là-bas, quoi. Alors, ouais, donc, globalement, c'est Brad Pitt qui est autrichien, qui est envoyé par des nazis pour conquérir un sommet dans l'Himalaya, et en fait ils vont se faire arrêter là-bas par l'armée anglaise puisque la guerre est déclarée, et ensuite il va s'évader de sa prison et il va finir à Lhasa, et où il va faire la rencontre du Dalai Lama, et ça va être une rencontre qui va bouleverser sa vie. Le Dalai Lama. Quoi qu'il y a. Dalai Lama, ils vont faire là avec Bernard Lama. Et il va apprendre à garder les buts. Alors, donc il est envoyé dans l'Himalaya. Heureusement qu'il n'est pas envoyé en Franche-Comté d'ailleurs, parce qu'on aurait passé 7 ans en Franche-Comté, on se serait fait chier. Bah, déjà, c'est déjà le cas. Putain. Alors, il va y avoir des plans. Moi, juste, je suis désolé, j'ouvre une petite parenthèse titre, puisque j'ai fait un simple, rapide calcul. Brad Pitt. Putain, mais t'as 3 pages de notes, mec. Ouais, Brad Pitt part d'Autriche en 1939. Il y revient en 1951. Pourquoi ce film ne s'appelle pas 12 ans au Tibet? Parce qu'au début, il est en Inde. J'ai noté exactement la même chose, ouais. Il y a quand même un problème. Mais non, au début, il est en Toulon, en Inde. Désolé, t'as raison. Vas-y, bosser avec Jean-Jacques Hano et Bouygues, là. Qu'est-ce que tu fous là? Au final, moi, je suis plutôt d'accord avec Greg dans le sens. Merci, Barbara. Je suis tout à fait d'accord. Je sais même pas ce que je veux dire. Mais c'était long, mais en même temps, c'était joli. Enfin, non, mais joli. Les paysages et tout, c'est. Ah, c'est joli. Moi, honnêtement, je trouve que. C'est agréable à regarder. Voilà, moi j'avoue que j'ai pas passé un si mauvais moment que ça. En fait, je l'avais vu quand il est sorti au cinéma, donc j'étais très jeune. C'est un film que j'ai vu à l'âge de 3 ans et demi, hein, et j'avais eu un bon souvenir de ce film, et j'ai trouvé ça pas si mal, en fait. Au final, moi je trouve que c'est comme t'as Brad Pitt à l'écran, ça devient chiant. Non, je trouve bien. Après, c'est du Jean-Jacques Hallo, donc c'est plein de bons sentiments, c'est très bien. Il y en a beaucoup. Mais bon, après, je trouve que c'est pas un mauvais film. D'ailleurs, moi, je trouve que c'est pas trop un film de valeur, mais plus un film d'honneur. Ah ouais? Parce que Brad Pitt, il est plein d'honneur. Tu veux dire que c'est un petit peu différent de Fast and Furious, par exemple? Honneur versus valeur, quoi. Ouais, c'est vrai, maintenant que tu le dis, c'est un peu différent. Alors, non, mais il y a quand même ce truc-là où, en gros, c'est juste qu'on te le vomit toutes les deux secondes, c'est que Brad Pitt, c'est quelqu'un qui a pas beaucoup de valeur. Au contraire, moi je trouve qu'il a pas beaucoup de valeur. Il est super méchant, égoïste, il laisse tomber sa femme, son bébé. Il tout est dans machin. La performance à mort, il est dans la performance, il est dans l'honneur. Il est hyper égoïste. Oui, c'est ça, ouais, il est un peu dans l'honneur. Ouais. Et là, et du coup, il a pas d'honneur, mais pas de valeur non plus. Et du coup, au Tibet, il va apprendre les valeurs. Bah, il a que ça qu'à foutre. Hein. En Tibet, t'as pas grand chose à faire. Hein. Alors là, les valeurs, tu vas les connaître sur le bout des doigts. Hein. Laisse-moi dire que tu vas les maîtriser. Alors au début, lui, il va essayer de gravir, je sais plus quel mot. Il parle d'une ville, mais on comprend qu'il est bien nazi. Il faut quand même préciser qu'il se barre alors que sa nana est enceinte. Ouais. Pas cool. Il est pas gentil. Foiré de nazi. Il est censé partir 7 ans. Hein. Non, il est censé partir 4 mois. C'est pour ça que je dis qu'il a loupé ses vacances. Ouais, mais il s'en branle, en fait. On comprend qu'il s'en fout. En fait, c'est son rêve de partir dans l'Himalaya. Il est alpiniste. Voilà, faut quand même dire qu'il est alpiniste. Il est pas chauffeur taxi. Et du coup, il sait qu'il va revenir alors que l'enfant va naître. Ouais, mais il a zéro émotion sur le quai de la gare quand il dit au revoir à sa meuf. On est stressé sur un quai de gare. Surtout en 1939. Pas enfin bon. Il part en expédition avec des nazis. En exhibition? Enfin non. Mais si, c'est quoi? Si. En expédition. Ah, c'est pas une exhibition, non? Ah, mais j'ai pas vu le même film. Ce n'est pas un tour de foire! et Moi déjà ça me fait marrer parce que je pense que pour les bienfaits du film, on nous fait comprendre que ouais mais il est pas vraiment nazi, il s'en fout des nazis, oui, voilà, parce que machin. En fait, il est totalement nazi le gars. Je crois que c'est une histoire vraie. En fait, non, il est juste vrai, totalement nazi. Ouais, évidemment, il a 18 ans. Enfin, si t'étais né en 17 à la Neustadt, comment tu serais quoi. Je cite Jean-Jacques Goldman. Excusez-moi. Mais en même temps, tu dis que c'est un nazi, mais qu'est-ce que t'as pour le prouver, ça? Tu as des arguments pour ça? Eh ben, figure-toi que j'ai une grande page de Wikipédia que j'ai lue juste avant que ça commence. Non, c'est la seule anecdote que j'ai à vous donner, d'ailleurs. C'est clairement un nazi. Bah, il parle avec son petit drapeau nazi. Ah oui, parce que c'est tiré d'une histoire vraie, c'est quasiment l'histoire vraie. À mon avis, c'est totalement romancé, mais c'est tiré d'une histoire vraie. Et histoire vraie, je donne ma deuxième anecdote tout de suite, comme ça, après, c'est fini. Jean-Jacques Hano et Brad Pitt ont été interdits de territoire chinois jusqu'à nouvel ordre et en fait ils ont c'est dommage parce qu'il paraît que Brad Pitt voulait s'installer en Chine. Mais d'ailleurs il a pas pu adopter en Chine alors. Dans la d'ailleurs comment ils ont réussi à tourner là-bas en fait parce que du coup alors c'est tourné en Argentine et au Canada. Et les plans de Lhasa en fait du coup c'est tourné en Argentine et au Canada. Ça a été tourné incognito, mais c'est pour ça. Ils ont. Ça, c'est l'anecdote de Barbara. Ce serait très drôle de voir les plans de Lhasa, tu sais, avec une caméra tout pouille qui bouge tout le temps. Avec la GoPro. Clairement, c'est écrit en haut à la zone interdite, et tourné en caméra cachée. clairement, les plans du Potala, ils sont faits avec Jean-Jacques Hano qui a foutu une putain de caméra et 15 000 gars, quoi. Après, est-ce que. Mais oui, lui, il s'en branle, ça a été recréé ou pas, ça, je sais pas, mais. Il y a eu des images qui ont été. Pourquoi Julie n'est pas là? Bah oui, elle est où, tiens? Julie! Julie, viens, pour tes anecdotes! Donc là, moi, ils partent en expédition, je reprends. Dès le début, donc ils sont quoi? Ils sont 4. Il va se turbo blesser. Vraiment, c'est des. Mais c'est pour ça que c'est l'honneur, parce que il se turbo blesse, il se plante son crampon dans la cuisse, dans le mollet. Dans le mollet. Et il dit rien, parce que. Ah là, il s'est sacrément amoché. Hein. J'aime mais autant. Mais il dit rien. Que... Donc du coup, c'est là que c'est l'honneur du gars. Tu vois, c'est pendant tout le film, c'est ça. Non, et le... c'est pas. Mais si, c'est de l'honneur quand tu dis c'est pas. C'est l'honneur. Et le plan c'est d'après, c'est le cœur. Et le plan d'après, ils sont en rappel à -56 degrés. Non, mais t'as vu ou pas le truc qu'ils sont en train d'escalader? C'est extrêmement impossible. Et lui, il est déjà tout en haut puisque il fait monter son pote, il assure son pote quoi. Comment il a fait pour monter avec sa jambe escamotée comme ça là? Bah après, il s'est pas non plus cassé une jambe, il s'est blessé, il saigne quoi, c'est tout. Attends, c'est une sacrée plaie. Une méchante blessure. Oui, c'est une méchante plaie, mais c'est pas une rupture des ligaments croisés d'ailleurs, quoi. Il y a un petit cliffhanger quand il rattrape le gars, tu sais, à bout de bras. Ça clairement, ils crèvent tous les deux. Hein, ouais, il y a un peu de tension sur cette scène parce qu'en plus le mec prend bien son temps pour monter, il fait un Rubik's Cube en même temps. Il prend bien son temps et du coup il y a un peu de tension parce que lui, on croit que sa jambe va lâcher puis sa jambe ne lâche pas. Et du coup, il y a une avalanche, ils sont obligés de faire demi-tour. Alors le groupe, parce que Brad Pitt il dit ouais, j'en ai rien à foutre, je veux monter tout seul. Alors le mec il est blessé, il peut plus avancer et il décide de le faire tout seul. Et ça c'est pas de l'honneur? Ça c'est de la connerie, Greg. c'est aussi de la connerie. Et en redescendant, alors là c'est vraiment pas de chance, hein. ça arrive vraiment, c'est une fois sur trois hein, quand même. Hein. C'est que tu redescends et en fait tu croises des soldats anglais qui disent en fait c'est la guerre et vous êtes prisonnier. Ouais, parce que c'est un territoire anglais. Ouais, t'as tes pénardos dans ta montagne, tu te doutes pas que la guerre va arriver, hop, tu redescends, c'est la guerre, t'es en territoire anglais. Franchement, c'est pas fair play, ils ont rien demandé. Hein. Bah, c'était pas inscrit dans le routard, en plus, surtout. C'était pas écrit. Et là, ils sont emmenés dans un camp de prisonniers. Et Brad Pitt. Brad Pitt, il part naturellement parce qu'il va effectivement s'enfuir. Brad Pitt, alors c'est écrit 4 évasions plus tard, ou je sais plus, mais on nous fait comprendre qu'il a essayé de s'évader 4 fois. Alors, ah ouais, parce que moi, c'est trop bizarre. Il va vraiment en prison, du coup. Parce que si tu veux, moi, ça a coupé, c'est un épisode de Papa Schultz. Ouais, j'y ai pensé, moi, j'ai vu ça, j'ai vu la grande évasion. Je vous ai dit, mais il va faire un tunnel et tout. Et là, il envoie une lettre. Ça m'a fait marrer parce que. Il envoie une lettre à sa femme, parce que là, bon, ça fait quand même un petit moment qu'il est bloqué, puis il veut juste savoir comment ça se passe avec son fils. Et il reçoit une lettre en retour. Alors là, il s'est pris un gros virement choco dans la gueule, parce que... un virement choco. Parce que là, sa meuf, en fait, elle lui dit, écoute, je t'ai envoyé les papiers du divorce. Le chauffeur de taxi, ça va être le nouveau papa de ton bébé parce que je me suis marié avec lui, quoi. Ouais. Autrement dit, il se fait convenablement jeter par sa femme. Et qu'est-ce qu'on fait quand on se fait larguer? bah on jette dans les barbelés. C'est ah oui, oui, donc il y a une scène où il est énervé, il se jette dans les barbelés. Là c'est un peu trop gros quoi. En fait, au fur et à mesure, il devient un peu de plus en plus humain. Moi, c'est ce que j'en ai. Le nazi a toujours une part d'humain en soi. Ah, moi, je connais des nazis très sympas. Alors, hein, la plupart du temps, même un ami nazi. pour voir la part d'humanité dans quelqu'un, normalement, dans un film, il faut à peu près une heure de montage. Dans celui-là, il en faut deux, parce que c'est un nazi. C'est beaucoup plus long. C'est vrai. Bah, attends. C'est vrai. Et d'ailleurs, alors j'ai retrouvé l'anecdote. Ah. Tu vas nous parler de ton fan encore là ou pas? Barbara a un fan. Ah oui. Qu'on salue d'ailleurs. Parce bonjour Benjamin. Que Barbara salue. Hein. Il n'est pas en Angleterre. Hein. Oui, rappelons qu'on écoutait dans le monde entier. Ouais. On écoutait en Chine vous notamment. On avait raison, tous ensemble, on avait raison parce que la ville de Lhasa a été recréée dans la cordillère des Andes en Argentine. Je vous l'avais dit. Cela étant, Jean-Jacques Annaud a secrètement envoyé une équipe de tournage au Tibet pour tourner des plans qui apparaissent dans le film achevé. Cette initiative a été rendue secrète jusqu'en 99. La Chine avait non seulement interdit à l'équipe de tourner au Tibet, mais elle a en plus essayé d'influencer l'Argentine pour qu'elle interdise le tournage du film. Enfin, je vois pas comment tu peux envoyer une équipe discrètement au Tibet, quoi. Genre, vas-y, mec, pars avec les 3 tonnes de matos, mais tu vas discret. Vas-y, discret, hein, parce qu'on sait jamais, quoi. Bon, j'ai pas envie que ce podcast soit un podcast diplomatique sur les relations argentino-chinoises. Donc, je vous propose de continuer. Je sais si elles sont tendues. En 1942, donc là, on est 3 ans après l'expédition, ils vont s'évader. Alors, j'ai trouvé cette scène pas mal. À noter quand même que on est dans un camp de prisonniers où il y a un coiffeur qui fait des décolorations, puisque Brad Pitt est toujours très bien coiffé, toujours très blond. Bien coiffé, hein. Ouais. Et il est fit, hein. Ah ouais. Brad Pitt. Non mais ceci dit, c'est vrai que leur petite prison, elle est plutôt cool. Alors moi, il y a un truc que j'ai pas dit, mais c'est même au début, tu sais, quand ils sont dans la gare, tout le monde est hyper bien sapé, il y a pas une tache, la gare elle est nickel. À la rigueur allemande. Et dans la prison, c'est pareil, tout est propre. Enfin, je veux dire, c'est les prisonniers allemands. Hein. T'inquiète que même les Indiens sont propres. ils nettoient leurs propres gardes. C'est les Allemands. Et là, bon, ça me fait marrer parce que ils s'évadent. Alors, on a compris que parce que là, c'est pareil. Tu vois, tout seul, tu peux pas y arriver tout seul. Il faut vraiment ça. Tu vas en bouffer dans ce film. Hein, tout seul, tu peux pas y arriver. Il faut l'esprit d'équipe, il faut le groupe et tatata. Il faut aimer les autres. Parce que Brad Pitt, il essaye de s'évader tout seul 4 fois, ça rate. Et là, les gens, ils disent, ils vont s'évader à 5, et du coup, il va avec eux, et du coup, ça réussit. Ouais. Et le premier move qu'il fait, une fois qu'ils sont sortis, salut, je me casse. Il chope un sac de vivres, mais ça m'a fait hurler de rire. Il prend un sac et il fait, moi, je pars tout seul. Personne dit rien. Je fais, non, mais mec, déjà, tu crois que tu vas partir avec 1/5 de la bouffe, mec, t'es en train de délirer, là. Et il se barre. Personne ne dit rien. Ah, oh, il m'a pris mes sardines provençales. Merde, c'était les miennes. Oh putain, il a pris le sac avec tous les assaisonnements. Surtout que les gars, ça fait 3 ans qu'ils sont en prison. Je pense qu'à Noël, ils se font péter une petite boîte de sardines quand même, quoi. Et non, ils ont gardé ça pour leur évasion, quoi. Parce que ça vient pas de la prison, les sardines. Ouais. Je viens d'Allemagne. Alors, sardine allemande, c'est le meilleur. Sardine à l'huile. Alors pendant ce temps, on vous a pas dit, mais tout le film là, tout ce qu'on a vu, ça fait déjà peut-être 1 heure de film, en ressenti 7 heures, on a vu des plans du Tibet et du Dalai Lama, ça s'arrête pas, des espèces de... Ouais, mais ça c'est sympa. C'est vraiment... Et il ne fout rien. Ça c'est vraiment du truc Jean-Jacques Annaud, mais c'est bien, enfin tu vois, il fait des très très beaux plans avec Les trucs ethno, avec les... C'est hyper, c'est hyper contemplatif, ouais, c'est du... Mais il fout rien le Dalai Lama, je suis désolé, il fout rien. Ah bah il est entretenu, oui. Bah oui, oui, c'est un pacha, c'est un drôle de pacha. D'ailleurs s'il nous écoute... Il a une vie de roi, hein. Donc... Brad Pitt s'enfuit tout seul. C'est quand même qu'à la fin du film, j'ai dû me raser la barbe. J'avais une barbe. Barbe très longue. J'étais bronzé aussi. Bah moi, du coup, tous mes vaccins sont plus à jour. Mais... Brad Pitt, il part tout seul. Et alors, qu'est-ce qui se passe quand tu pars tout seul? Eh ben, ça se passe mal parce que t'es tout seul et que tu t'entraides personne et tatata. Et tu vomis. Et du coup, tu vomis. Et d'abord, tu voles dans les temples. Ah oui, tu voles dans les temples, ça c'est pas cool. Et du coup, ça te fait vomir parce que la nourriture dans les temples, elle est sacrée, si tu la voles, ça vomit. C'est Dieu qui te punit. Exactement. Et il y a son pote. Alors son pote qui depuis le début, je sais pas pourquoi il est pote avec Brad Pitt parce que Brad Pitt ne fait que être un enculé avec lui. Ouais. Il va le retrouver alors que Brad Pitt ne se sent pas bien. Prenez-en deux. Dormez, ça ira mieux. Je vous enverrai ma note. Qu'est-ce que vous faites ici? Vous me manquiez tellement, Henrik. J'ai eu envie de venir vous voir. Où sont passés les autres? Les Italiens ont été repris du côté de Nelang et Lutz. Et Hans sont tombés malades, ils sont retournés au camp. Je suis désolé d'entendre ça. Je suis sûr que vous avez le cœur brisé. Puis-je abuser de votre généreuse nature et camper ici cette nuit? Faites comme chez vous. Merci beaucoup. C'est très gentil à vous. Oui, donc là, je suis désolé, mais c'est vrai que je passe des extraits de 7 minutes. Hein. Petite anecdote, parce que j'en ai une aussi, en fait, le premier son qu'on a entendu, donc on entend Brad Pitt vomir, c'est le moment où il venait d'apprendre que c'est un film de Jean-Jacques Hano. Il ne savait pas avant. Mais c'est marrant lenteur, parce qu'en français, même les extraits sonores, c'est hallucinant. En français, on n'entend pas trop son accent allemand, parce qu'en anglais, il le fait très fortement. Ah, là, il le fait convenablement, l'accent. Sur cet extrait, on comprend pas bien, mais t'inquiète qu'en VF, tu l'entends bien. Ouais, ah, il est mal fait en plus. L'entends, ma gueule. Tu l'entends et il est mal fait. Arle Dail allemand. je pars tout seul. Quand il lui a annoncé une bonne nouvelle. Wunderbar. Et alors là, ils arrivent au Tibet. Et alors, il y a une règle au Tibet qui est pas cool. C'est qu'il n'y a pas d'étrangers au Tibet. Non. Non. Et c'est le chef du village sur son cheval qui vient de l'annoncer. Oui, oui. Et ils ont peur de tout. Hein. Alors, il n'y a pas d'étrangers, mais ils ont peur de tout. Oui. Et donc, ils sont gentiment accompagnés à la frontière. Ouais. Ils sont déçus. Ils sont très déçus, mais eux, ils veulent quand même y aller, donc ils vont quand même essayer d'y aller. Et t'as un autre extrait là pour combler un peu le. Bah, je sais pas, vous parlez pas. Alors. Bah non, mais en fait, ils arrivent dans une ville. Déjà, ils essaient de se procurer de la nourriture, donc ils lui suggèrent. Il y a une scène où ils lui suggèrent de troquer sa montre. Et il faut savoir qu'effectivement, au Tibet, une montre égale un chou-fleur. Le cours du chou-fleur est très élevé, ouais. Et donc du coup, c'est la montre. C'est lié à un souvenir. C'est au moment où il a monté le Mont Blanc, on lui a offert. Et il se rend compte en fait que Brad Pitt avait 3 montres dans son sac. Donc elle est fait connard. Avoir. Je suis désolé là, il faut le dire. C'est pour dire qu'il a pas de valeur. C'est un vrai schlag, hein. Il est sans valeur le gars quoi. Rien à voir avec ce mot. donc voilà. Au final, ils arrivent quand même à Lhasa, tous les deux. Alors ils arrivent. Alors c'est des clodos en fait, hein, tout alors, simplement. Ils arrivent pas tout de suite à Lhasa parce que d'abord il va y avoir un montage. Alors, qui m'a beaucoup plu, c'est un montage temps qui passe. C'est-à-dire qu'on voit des paysages et on entend juste Brad Pitt écrire une lettre et il se transforme lentement en gentil Brad Pitt. Ouais. En Brad Pitt. et du coup, c'est très très lent. Et il y a un truc qui m'a fait mais vraiment hurler de rire au milieu de ce film de 8 heures. Il y a la capture, l'emprisonnement et l'évasion la plus rapide de l'histoire du cinéma. Bah, fallait le temps pour faire des plans de tibétains. Non, mais vous l'avez vu ce truc-là où ils se font attaquer. Donc ils sont en train de dormir dans un camp. Enfin, il y a un camp qu'ils ont fait avec un petit feu et tout. Mmh. Et là, il y a des espèces de nomades qui arrivent. Ce sont des chabalots, d'ailleurs. Oui, oui, oui. Et qui disent donne-moi ta montre, donne-moi ton vêtement, donne-moi tes chaussons. Tu sais, ils demandent plein de trucs. Ils parlent tous anglais. Alors, ça, c'est un truc. On peut peut-être faire un peu anglais tout à l'heure, mais il y a un vrai problème avec le Dalai Lama. Ouais. Et après, le plan d'après. Ils sont enfermés dans une cage. Le plan d'après, il met un coup de couteau dans une tente. Et ensuite, ils sont sur des chevaux et ils s'en vont. Ça dure 4 secondes à l'image. J'ai hurlé de rire. J'ai cru que mon VLC avait bugué. Oui, ça va vite. Dans un film lent, c'est surprenant. Et il pose son pote qui était évanoui sur un cheval. Genre il sait pas trop faire les scènes d'action. Du coup, il préfère les faire un peu rapidement. Quoi. Ouais. Je vais faire vite, ils vont pas s'en rendre compte. Et le plan d'après, il mange le cheval. Hein, ça va drôle. Oui, il mange le cheval, ouais. Il mange le cheval. Ouais. Ah, je suis content parce qu'on en est déjà là, quoi, dans le film. C'est bien. On avance. Moi, il faut savoir que. Tu sais... fait des micro-siestes, moi. J'ai oublié. Tu sais, souvent, quand tu regardes un film, moi, ça m'arrive de checker la time bar, tu vois, pour voir combien de temps il reste et tout. Ouais. Et j'ai checké une première fois en me disant, bon, j'espère que ça va aller et tout. Il restait une heure de film. Et j'ai fait. Ouais, franchement, ça va, c'est pas mal. Et tu vois... j'ai checké une deuxième fois, il restait 58 minutes. Mec, j'ai checké une deuxième fois, il restait 45 minutes. Et là, j'ai fait... Oh. À partir de ce moment-là, j'ai commencé à aller sur des réseaux sociaux, sur le farm bien de Greg, parce qu'il voulait que j'arrose sa ferme. Et donc ensuite, c'est l'arrivée à Lhasa. Ouais. Ouais. Ouais. J'arrive à la salle. Ils arrivent comme des SDF en fait, et ils voient un chien qui s'apprête à manger sa gamelle. Alors les Tibétains font à leur chien des plats en sauce. Hein. Oui. Non, mais c'est picard. Non, mais attends, mais elle s'est super élaborée, tu sais, genre ah mais je lui fais un gigot de 7 heures à Vali. J'ai fait mijoter ça avec des cèpes. Enfin bon. Et en fait ils se jettent, ils attendent que le propriétaire du chien s'en aille, ils se jettent dessus et en fait. Le propriétaire du chien est ministre pour le Dalai Lama et il les héberge chez lui. C'est un petit peu comme si Manuel Valls prenait des Syriens chez lui. Hein, bah, il faut aussi dire qu'il ressemble à Mick Jagger, le gars. Il ressemble à Mick Jagger. Ouais, le premier ministre. Et moi, il y a un truc qui me fait marrer, c'est il y a zéro étranger. On nous casse bien les couilles pendant des heures pour dire que c'est les deux seuls étrangers à Lhasa. Ouais. Tout le monde parle anglais. Et surtout, il y a un tailleur, spécial pour les Occidentaux dans Lhasa. Ouais, ça c'est Occidentaux, marrant. Parce qu'il y a Occidentaux qui sont au nombre, je le rappelle, de zéro. Et avant que ça arrive, de deux clandestins. Bah là, son chiffre d'affaires, il va exploser. Hein, parce que il va avoir 200%. 200%. 2000. Elle sait tout faire, en gros, ce qu'elle dit. C'est qu'elle alors, c'est très drôle parce que, alors, elle est payée par un des ministres. Et puis, c'est Pocahontas aussi. Elle est payée par un des ministres pour offrir deux costumes. Donc, à Brad Pitt et enfin à Peter et Heinrich, et en fait elle les laisse choisir, et t'as Heinrich, donc Brad Pitt, qui lui dit voilà, je veux tel costume, et l'autre lui dit écoutez, je vous laisse choisir, et j'attendais trop à ce que dans le plan suivant il soit habillé en Bob l'éponge. Je pensais qu'il allait être habillé en costume traditionnel tibétain, tu vois, pas en. Ah ouais. Non, mais c'est pareil, tu sais, genre. Pas en occidental. T'es deux étrangers dans une ville de 10 000, tu vas pas essayer d'avoir des fringues différentes des autres. Moi, je vais essayer d'être un peu discret au début, c'est tu vois. C'est des nazis, hein, attention. et rapidement. Ouais, je vais prendre le suite Takini. Vas-y, il est pas mal ce truc là. Et donc la rencontre avec Pocahontas, hein, évidemment, puisqu'il fallait que le tailleur ce soit une femme et une jolie femme. Et ils vont un peu se tirer la bourre pour essayer de la séduire. Regardez. Ça, c'est après mon ascension de la face nord de la gueule. Les troisièmes Olympiades. J'ai eu la médaille d'or, enfin, ça c'est peu de choses. Là. Oui. C'est une autre différence entre notre civilisation et la vôtre. Chez vous, on admire celui qui conquiert les hauts sommets dans tous les domaines de la vie. Mais ici au Tibet, on admire celui qui renonce à son orgueil. Jamais un Tibétain ne songerait à se mettre ainsi en avant. Voilà, l'extrait que je viens de passer dure 3 secondes. Hein, donc, là, tu ronfles hein, sur Fast and Furious, tu ronflais pas. Hein. Oh, alors, ouais, non. Pas, hein. Moi, j'ai une question, c'est comment ils vivent, avec quel argent. Enfin, tu vois, et les mecs sont là, qu'est-ce qu'ils foutent, quoi. Pourquoi eux, ils ont le droit d'être là. Bah, ils sont entretenus par le ministre. Ben, ouais, mais ils sont entretenus par le ministre. Mais pourquoi eux et pas d'autres, j'avoue. Bah, parce que eux qui se sont pointés, quoi. Hein. Bon, au final, ils donnent. Non, mais personne voulait y aller, hein. Non, mais c'était pas si simple d'y aller, quoi. Au final, ils donnent quand même des petits coups de main en mode. Oui. Les plans de Lhasa, géomètre. Ouais, ils leur apprennent à patiner aussi. Ils ont patin à glace. Elle est belle, la scène du patin. Elle est belle, ouais. Et c'est là où on voit qu'il est jaloux, hein. Il est jaloux de son collègue parce qu'on sent que lui, il l'a ferré. Hein, alors, c'est pas vrai. Ouais. C'est, à mon avis, une situation qui peut arriver que dans une fiction, qu'un mec pique une meuf à Brad Pitt. Surtout quand la tronche du gars là. Surtout quand la tronche du gars là. Et moi, ce que je trouve génial aussi, c'est qu'au final, Peter il se marie avec Pocahontas, mais dans un pays où déjà ils n'ont pas le droit d'être là. Et alors, par contre, le mariage mixte de différentes cultures, peut-être. Ouais, ça a l'air de bien passer. Ouais. Ouais. Chez les tailleurs, ils sont plus ouverts. Ouais, ouais, c'est vrai. Ouais, elle a pas l'air d'être ici, hein, parce qu'elle a l'air complètement indienne des plaines, là, mais. Indienne des plaines. Il y a un truc qui est excessivement énervant, c'est tous ces sourires qu'ils font tout le temps. Excessivement énervant. Bah, t'es déjà allé manger dans un tibétain. Mec, ça s'arrête jamais, hein. Non, mais ils se font des sourires comme ça, tu sais. Ah, les plans sourires, ouais. L'autre, il fait des sourires à Pocahontas, et puis l'autre, et puis Brad, lui aussi, fait des sourires. Et en fait, il n'y a aucune raison pour que cette nana tape des sourires aux deux gars en même temps, alors qu'ils viennent d'arriver, quoi, tu vois. Ouais. Ouais. Qui sont pas des sourires de tibétains. Je vous le dis. Mais il y a aussi ce truc-là qu'on va. Enfin, là, dans l'extrait sonore que j'ai passé, on l'entend. on va l'entendre des milliards de fois. Notre peuple n'est pas comme le vôtre. Nous, on n'est pas cupide à essayer de briller. Nous, c'est blablabla. Ça ne s'arrête jamais. Et donc, voilà. Donc en parallèle... Non, mais là... Après, donc... je trouve que le film, c'est peut-être un peu trop édulcoré, mais c'est une belle culture, là. La culture bouddhiste, tibétaine. Ouais, développe un petit peu, Barbara. Ouais, pourquoi tu aimes bien? Tu nous fais ça en trois parties, s'il te plaît. Contrairement à la semaine dernière, Gothica qui m'a fait flipper pour rien. Bah, tu vois les trucs un peu doux comme ça, j'aime bien. Ça te plaît. Hein. Oui. Ouais. C'est tout doux. C'est bisous. Ouais. Vous avez remarqué que sur la plupart des plans du film, en haut à gauche, il y a le symbole Arte. Mais alors il faut dire que le Dalai Lama lui confie une mission, c'est là qu'il va rencontrer. Alors déjà, attends, il faut que tu apprennes à le dire. C'est le Dalai espace Lama. Parce que toi tu dis le Dalai Lama, donc ouais, bah c'est pareil. Ah hein, le Dalai Lama, vraiment. Ah oui, alors on n'a pas dit il rencontre le Dalai. Bon. Ah non. Bon, est-ce qu'on a des auditeurs orthophonistes? Non, attends, juste tu diras Sa Majesté la prochaine fois, sera plus facile. Juste avant qu'il rencontre Sa Majesté Dalai Lama. Ah mais toi aussi, tu l'as fait. Dalai Lama. Dalai Lama. Il est tranquille, en train de prendre des photos, on sait pas ce qu'il fait. Et là, il reçoit un courrier, revirement choco encore. Sa femme qui lui écrit, son propre fils qui lui écrit, qui lui fait, tu n'es pas mon père, arrête de m'écrire. Alors là, il pète un câble. Ouais. C'est dommage qu'il n'ait pas de barbelé parce qu'il se serait jeté dessus. Mais non, je dis n'importe quoi. Non, on lui annonce que la guerre est finie. Et là, il dit n'importe quoi. Non, je me confonds. Ça, c'est quand c'est son fils. Et là, il voit le fantôme. Non. On lui annonce que la guerre est finie. Et là, comme c'est un connard, il jette le truc par terre et fait « Parfait, je me casse, de toute façon, je déteste ce pays de merde. » Et deux secondes après, il reçoit un courrier en disant « Coucou papa, tu n'es pas mon père, je ne veux pas te voir. » Et là, il fait « Bon, je vais rester. » En fait, j'aime bien ce pays. J'ai toujours pas rencontré le Dalai Lama. Et c'est à ce moment-là où il va rencontrer... Le Dalai Lama. Le Dalai Lama. Le Lama Idala. Le Lama Idala. Et là, c'est pareil. Moi, la rencontre, c'est excessivement énervant, encore une fois, parce que le Dalai Lama... il fait les mêmes sourires que le tailleur faisait. Mais lui, c'est son métier. Mais lui, il est tibétain. C'est le roi des tibétains. Mais on dirait qu'il est en séduction. Il veut le pécho. Genre, il tape des sourires complices et tout. Ouais, ce mec, je te comprends trop et tout. Il est gentil, c'est tout. Mais surtout, c'est mal fait. Surtout, franchement, je veux pas dire ça craint, mais là, il se tape des vieux plans sourires et tout. Avec un nazi, t'es sérieux? Non, mais Indiana Jones, jamais il aurait fait ça. Indiana Jones, file un coup de fouet. Il est les ménagers. Et non mais, alors, ouais, mais surtout attends mais surtout le Dalai Lama en deux secondes il est totalement amoureux de Brad Pitt quoi. Le Dalai Lama il est fan de la culture occidentale. Oui voilà, il s'intéresse à la culture occidentale. Il parle de cocktail Molotov dans sa première phrase, tu fais attends quand même. Déjà c'est louche hein. C'est censé être pisse. C'est ça, c'est un peu il y a un ghetto blaster. Il écoute Run DMC, tu sais. Et alors il va lui quand même suggérer si tu veux parce que il le fait pas venir pour rien. Il ne le fait pas venir pour rien. Il veut qu'il construise une salle de cinéma et un bowling. Et un McDo. C'est un centre commercial. Non, mais attends, t'es pas Richie Rich, hein, quand même. Hein. Donc, en fait, Brad Pitt se lance dans la construction d'une salle de cinéma. Sans électricité, on rappelle. Oui, et surtout avec des verres. C'est ça, en fait, le problème. C'est qu'au moment où il commence à creuser les fondations. C'est un beau message que nous envoie Jean-Jacques. Ouais. Est-ce que quelqu'un raconte ça? Oui, je vais le faire. Alors, il faut pas tuer. Donc, je répète, il doit construire une salle de cinéma pour le Malamai Dalamai. Et du coup, il tombe sur des verres de terre, au moment de la construction du cinéma. Et du coup, le peuple tibétain refuse de continuer parce que les verres de terre, c'est probablement un être humain réincarné. Donc, il ne veut pas les tuer. Et donc du coup, il lui dit trouve une solution. Voilà. Et sa solution, c'est de les déterrer, de les enterrer à 2 mètres, quoi. Sachant que moi, la question que je me pose, c'est comment ils ont construit Lhasa. J'avoue, parce que là, essayer de construire un bâtiment, ça fait chier, mais tout le reste, vous avez fait comment? On a trouvé des solutions. Mais ce qui est marrant, c'est qu'en fait, il bouffe du poulet et tout. Enfin, tu vois, il y a un moment, il y a plein de problèmes. Bah oui, c'est vrai. ce que je comprends pas, c'est que il creuse quand même, en fait, tu vois, pour creuser. Bah, il creuse. Et après, il y a d'autres gars qui enlèvent des vers de terre de la terre. Bon, on va pas passer 3 heures sur ce vers de terre. Hein, c'est pas grave, on s'en fout. Et là, ça commence à chauffer avec la Chine. Et il y a les émissaires chinois qui viennent rencontrer. Juste avant l'arrivée des généraux chinois, ils organisent quand même une fête de Noël. Non, c'est après la fête de Noël. Non, mais c'est pas grave. C'est après, parce que j'ai un truc à dire sur cette fête. Oui, ben laisse Barbara. Ah bah alors, vas-y. Bah non. Bon, bah laisse pas Barbara. Et alors, dans ce cas-là, il y a les généraux chinois qui viennent. Voilà. Mon général. Nous ne nous asseyons pas plus bas que lui. Mais mon général, c'est notre coutume. Je peux m'asseoir là. Votre sainteté, le général Chong Jingwu, le général Tang Wahan, le général Tang Wesan, ils désirent s'entretenir avec vous. Puissiez-vous connaître bonheur et prospérité. Ils promettent l'autonomie régionale et la liberté religieuse si le Tibet accepte la tutelle politique de la Chine. Jusqu'à ce que j'atteigne ma majorité, le régent est le ouais, voilà. Il a pas la voix du gamin dans Y a-t-il un pilote dans l'avion, hein? En fait, il a la voix du gamin qui est doublé par tout le monde, tous les gamins dans les années 80, 90, 2000. J'imaginais Brad Pitt lui dire. Je crois de Gladiateur. Je crois que c'est la voix de Arnold et Willy. C'est la voix d'Arnold, je crois. Ouais. C'est nos différences sont autant de chance. Bref. C'est ensuite. Donc, c'est la merde avec la Chine. La Chine, c'est globalement, c'est des connards, hein, quand même. Hein. Moi, je suis pas trop raciste. Ouais, chinois, mais ils sont depuis pas, que j'ai même, vu ce film, ça chauffe maintenant. Ah, c'est dur. Hein, c'est dur. Ils sont pas gentils. J'ai boycotté. Je vais plus à Belleville. C'est la fête de Noël, exactement. Mais alors, ça, c'est n'importe ouais, quoi. Ouais, c'est vraiment n'importe quoi. Tant t'as deux mecs étrangers dans un pays. Et bim, ils rapportent leur coutume fête de Noël, quoi. Jingle bell. En plus, avec la musique et tout. Mais oui, avec la musique un peu swing et tout ça, c'est ridicule. Mais ouais, mais les Tibétains, ils se sont rendus compte que la culture occidentale, elle est cool, quoi. Délire. Il y a un truc que j'ai pas compris, c'est que, à un moment donné, ils réparent une bagnole. Déjà, comment cette voiture arrive à la ça? Ils réparent une radio également. Il répare un grand 8 à train fantôme. Moi, il y a un truc qui m'a fait hurler de rire. C'est-à-dire que pour la fête de Noël, ils sont tous en train de danser dans le village et ils ont mis près d'une fenêtre un énorme poste de radio de l'entre-deux-guerres. Tu sais, ces énormes postes et transistors en bois. Ouais. Et là, ils écoutent une musique swing et à un moment, il y a quelqu'un qui se prend les pieds dans la prise. Le truc tombe. Et alors, au lieu d'exploser en 1000 morceaux ou de ne plus marcher, parce que ce truc-là est maxi fragile, ça va juste changer de fréquence sur une fréquence qui dit « Les Chinois sont en train d'attaquer le Tibet. » Alors déjà, pour trouver une autre fréquence sur un poste comme ça, il te faut à peu près 20 minutes. Et là, comme par hasard, tout seul, ça va trouver la méga fréquence. Et alors voilà, et du coup, rêve prémonitoire du Dalai Lama, il a rêvé que sa cité se faisait attaquer, ouais. Et ça se fait attaquer, et du coup il y a un train de chez les Tibétains. Fin des bails, alors, moment perfide. La guerre commence. Les Tibétains sont dégommés. Pour le coup, voilà, c'est très rapide puisque la Chine gagne la guerre en 4 minutes et 27 secondes. J'ai calculé. Soit 11 jours. Greg, tu veux le petit coussin pour dans les avions pour dormir assis ou... Ouais. Okay, merci, en gros, Greg, pour cette Tibet, il capitule en 11 jours. Et là, Brad, il devient pas cool avec le premier mec qui l'a aidé. Ouais, parce qu'il se rend compte qu'en fait, ouais, c'est un traître, le gars. Ouais, c'est un traître. Bah, en fait, c'est un traître. Il a juste voulu éviter le massacre de son peuple. Alors, ouais. Du coup, il a signé des accords avec la Chine pour capituler. Et Brad Pitt va vers lui pour lui dire, t'es qu'un connard, tu as trahi ta culture. En même temps, il aurait pu lui répondre, bah, t'as qu'à les battre, toi. Et toi, t'as fait quoi, toi? T'as perdu la guerre, tocard. C'est le nazi. Bon, après, fin des bails du film. Et alors, le moment ultime, l'espèce de happy end, genre 15 ans plus tard, où il fait de la, où il gravit le sommet de je sais pas quoi avec son fils allemand. Ah ouais, tu fais un gros... Ah ouais, là, t'as fait un gros gap. Ouais, j'ai fait un gap de 2 heures. Ouais. Non, mais faut dire qu'en fait, faut raconter rapidement qu'il tisse un lien avec le Dalai Lama. Le Dalai Lama, oui. Et du coup, il finit quand même pas repartir parce que là, il lui dit bah va rejoindre ton fils, c'est un peu ta destinée. Donc il retourne en Autriche et son fils veut pas le voir, il lui offre la boîte à musique. Le Dalai Lama lui offre. Et du coup, d'ailleurs, c'est une musique qui lui dit, parce qu'en fait, il lui pose tout le temps des questions, il lui dit c'est une musique de Debussy ou Let's Dance de David Bowie, enfin je sais plus. Et qu'il offre à son fils, et finalement, on se rend compte que il va réparer les liens. Alors, ça peut être expliqué, ouais. Mais bon, c'est réparé. Bah, il retrouve son rôle de père grâce à la sagesse. On va pas se taper deux heures sur la réparation des liens non plus, hein, parce que déjà que. Si, c'est important. Ouais. Mais alors, au final, moi, ce film, j'ai trouvé plutôt. C'était plutôt un bon moment. Non, mais oui, j'ai pas passé un bon moment. Oui, attends, c'est pas Fast and Furious, quoi. L'accent allemand de Brad Pitt. C'est bien un des seuls films où il m'insupporte à l'écran, quoi. Bah, on lui passe moi, je un message. Pas mal, quand même. Brad, si tu nous écoutes. Moi, franchement, je me suis mis... Bon, allez, on se réveille, on... Ouais, c'est clair, allez, on est complètement mou, quoi. On va finir cette émission. Allez, c'était notre avis sur le film, c'est l'heure d'un second avis. Je n'ai que faire de votre opinion, n'insistez pas, c'est inutile. Vous savez, les avis, c'est comme les trous du cul, tout le monde en a un. Alors, on commence par LOL 9 qui nous dit. LOL. Je lui dis, ça, c'est une film. Ça, c'est une film. Un acteur de génie. Un réalisateur toujours en recherche d'originalité. Allô? Là, tu fais tous les accents en même temps. Ça commence à argentin, ça choisir. Finit tabolet, quoi. Un scénario béton. Et finit par, moi, je dis, banco. On a Prévalin qui nous dit, alors, il y a toujours un petit peu, enfin, sur ce film, pour le coup, on s'en doutait, il y a le commentaire pompeux. C'est en Tibet, pose le Tibet comme décor d'une autre aventure, infiniment difficile, qui est le combat livré contre le côté sombre d'un homme, et la victoire véritablement libératrice emportée sur lui-même, au terme d'une remise en question de son système de valeurs et de sa position existentielle. C'est en Tibet étant cela un drame psychologique. La petite histoire se mêle à la grande. Évidemment, le Tibet sera envahi par la Chine. Il est trop tard du film pour écrire son commentaire. mais qui remporte la victoire, point d'interrogation. Un pays faisant valoir son droit de conquête ou une philosophie qui apporte enfin la sérénité à une âme torturée à méditer. 5 étoiles. Riff Raphaël, vous voulez savoir ? Chez moi, j'ai un drapeau tibétain. 5 étoiles. Mais c'est parfait. Vous voulez savoir ? Oui, dis-nous. Alors, j'avais 3 commentaires 5 étoiles. Je vais finir par 2 commentaires 0 étoiles. Ah, yes ! C'est vrai qu'ils sont pas mal. Ah, putain, mais franchement. Nuria92 qui nous dit : j'étais allé au cinéma avec une copine pour voir ce film. Qu'est-ce qu'on s'est ennuyé ? Mais qu'est-ce qu'on s'est ennuyé ! Et enfin, on a Schmifmouf qui nous dit : une star, Brad Pitt, et un sujet à la mode, le bouddhisme, ne suffisent pas pour faire un bon film. Peut-être lui expliquer que c'est pas un film sur le bouddhisme, en fait. Zéro étoile. Voilà. C'était l'épisode le plus mou de 2 heures de perdu. On ne remercie pas celui qui nous l'a proposé et on a bricoté tous ses autres films. Merci beaucoup à toi, Bouygui, pour ce magnifique moment cinéma. Mais c'est le moment. Pas, les garçons, n'oublions pas le chapeau. Désormais, le tirage au chapeau. Grégory James, qui n'avait pas tiré la dernière fois à l'honneur cette semaine. Oh, avec plaisir. Ça n'a pas été très bien mélangé tout ça, mais je vais quand même aller chercher. Et donc cette semaine, ce sera le mépris de Jean-Luc Godard. Et Requiem for a Dream. Oh yes! Ça va changer, yes. Proposé par Monsieur Hobby, je crois. Ah yes, je pense. Moi j'ai adoré ce film-là. Ah, mais en fait, je pense que t'as adoré quand t'avais dit ça. Bah ouais. À mon avis, ça a changé. Je suis content, c'est Jennifer Connelly qui joue dedans, c'est ça? Allez, je peux faire le deuxième? Bien sûr, Baba. Allez, pour le deuxième film. Putain, t'as vraiment une voix fille, toi, tu vas y arriver, quoi. Paranormal Activity. Oh, ça fait 2 films d'horreur en... Tu vas être content de voir. Ah ouais, tu vas voir. Alors celui-là, j'aime autant te dire qu'il fait drôlement peur. Ce genre, en effet, des cauchemars. Hein. J'aurais volé pour Paranormal Activity, je suis désolée. Ok, et ben, quant à nous, on se retrouve la semaine prochaine. Et n'oubliez pas de nous laisser... Ah oui, laisser des commentaires 5 étoiles pour nous proposer des films. Vous pouvez également d'ailleurs nous suivre sur Twitter ou Facebook, sur lesquels je poste des commentaires 5 étoiles des films qui n'ont pas été dits pendant l'émission. Voilà, c'était l'émission la plus chiante de 2 heures de jazzy. Allez, et on vous laisse sur ces 12 jazz. Notes jazzy. Taxi Driver pendant encore 9 minutes. À la semaine prochaine. Solo saxo. Tu veux du bonbon? Chupap, chupap.